Chapitre 4. À la Saint-Jean, lorsque les jeunes filles tressent des couronnes de fleurs qu'elles jettent au fil de la rivière, afin de savoir si elles seront mariées dans l'année, Mavra alla, comme les autres, interroger le sort de cette façon gracieuse. Elle ne songeait point au mariage. C'était pour elle un monde fermé où elle n'avait point le moindre désir de pénétrer. Mais pourquoi ne pas faire une guirlande et ne point la suivre des yeux dans ces remous de l'eau capricieuse? Les jeunes hommes avaient aussi lancé leur couronne, et celle de Mavra accrocha au passage les fleurs que venait de jeter un beau garçon de 20 ans, charpentier de son état. Les couronnes tournoyèrent de conserve et finirent par disparaître ensemble au détour de la rivière. « Nous voilà promis, Mavra, » dit le charpentier. « Veux-tu pour que ce soit tout de bon ?»« Non, » répondit-elle sans trouble et sans rougeur. « Pourquoi est-ce que je te déplais ?»« Non, pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. » C'en était assez pour que le charpentier s'obstinât dans sa demande. Il usa des grands moyens, alla jusqu'à supplier la comtesse d'agir en sa faveur. Mavra, mandée devant sa souveraine, dut répéter son explication. « Eh bien, s'il ne veut pas se marier cet enfant, laissez-la tranquille, » dit philosophiquement l'excellente femme, « qui se sera fait un scrupule de contraindre une mouche à boire une goutte de lait. « Ton Raphaël veut rester fille, » dit-elle à Xavier le soir même. « Pas possible. » fit-il d'un air distrait. « Elle a tort. Je suis sûr qu'elle aurait de bien jolis enfants. Elle a raison, » riposta la comtesse un peu scandalisée. « Elle est trop fine et trop délicate pour ces buteurs de paysans. Vraiment, tu me fais dire des bêtises. » D'un air fort digne, elle reprit son lorgnon et se plongea dans une lecture sérieuse. « Ma tante, » interrompit Xavier au bout d'un instant, « je crois que je pourrais partir la semaine prochaine. » Depuis 4 ou 5 jours, il marcha à l'aide d'une canne et se sentait plein d'impatience, comme un jeune cheval tenu à l'écurie tout l'hiver. « T'en aller ?» fit la comtesse bouleversée. « Et pourquoi, mon Dieu? Est-ce que tu n'es pas bien ici ?»« J'y suis trop bien, ma vénérée tante. Je m'accoutume à 1000 choses dont il faut que je sache me passer. »« Ah, Seigneur, tu deviens stoïcien à présent. » »« Je ne sais pas ce que je deviens. Si ce n'est un grand paresseux, trop amateur de bonne chair, de coussins moelleux, de lecture à haute voix. » Il baisa la main qui tenait le lorgnon. « J'avais pensé de te garder ici tout l'été, moi, » fit la bonne dame avec regret. « Mes enfants ne viendront qu'au mois d'août. » « Non, ma tante, » dit Xavier avec fermeté. « Pardonnez-moi ce semblant d'ingratitude. J'étais venu ici pour y passer 3 jours, et j'y suis resté 2 mois. Voilà le temps de la moisson venue. Tu récoltes, » fit la comtesse avec un peu d'ironie. « Mais non, enfin, vous comprenez. » « Oui, je comprends, » répondit-elle avec quelque mélancolie. « Vous autres jeunes oiseaux, on ne doit pas vous tenir en cage. Allons, pars quand tu voudras, et quand tu seras triste, reviens trouver ta vieille tante. Ma tante, vous êtes adorable, et votre cœur a 20 ans. » « Le jeune comte s'en va, » dit Dacha le soir même à la petite brodeuse. La fillette laissa tomber la couverture qu'elle tenait à la main. « Il s'en va, » fit-elle troublée. « Eh oui, il ne pouvait pas toujours rester ici. » Un beau jeune seigneur comme lui, c'est fait pour courir le monde. » Mavra la se coucher sans mot dire, mais elle ne put dormir cette nuit-là. Elle était la proie d'un amour implacable, inconscient, immortel, et elle appartenait désormais à sa chère idole. Les jours passèrent. Xavier s'en alla. Elle en souffrit, mais sans le savoir. La présence de cet être adoré lui avait donné la joie. Il était parti, quoi de plus naturel. Le soleil aussi disparaît après avoir éclairé la terre. Elle ne vivait pas de l'heure présente. Elle poursuivait tout éveillée l'extase innocente où elle se consumait. Elle ne savait pas que c'était de l'amour. Si elle l'eût su, elle n'eût pu trouver en elle assez de prières et de larmes pour expier son péché sans excuse. Elle aimait comme les fleurs s'ouvrent, et son idéal était si élevé, son rêve était si pur qu'elle en vivait. Moins chaste, une autre en serait morte. Personne autour d'elle n'en eut la moindre idée.